إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أما بعد donc inshallah on rentre dans un nouveau chapitre que l'auteur du livre a intitulé بابو مفسدات الصلاة ومكروهاتها, le chapitre des actes annulatifs de la prière et des actes répréhensibles dans la prière. Donc il y a deux choses ici. Il y a les actes annulatifs de la prière et les actes répréhensibles, qui est un degré en dessous. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. Donc il va citer ici, dans les annulatifs de la prière, il va citer 5 points. Et je vais en rajouter un sixième qu'il n'a pas cité, Inch'Allah. 5 points. Le premier, il dit, la prière vient s'annuler en délaissant un pilier ou une condition, alors qu'il a la capacité de le faire ou de la remplir. Amdan, de manière préméditée. C'est-à-dire, il délaisse ce pilier ou cette condition de manière préméditée, de plein gré, au sahwan, par inadvertance, par oubli, au jahlan, tout simplement car il ne sait pas que c'est obligatoire. Donc, par ignorance. Idha lam yati bihi, s'il ne le ramène, s'il ne le fait pas. Concrètement, qu'est-ce que ceci signifie? On a vu dans le chapitre de la prière, notamment dans le chapitre de la prosternation de distraction, que la prière est composée de piliers, de wajibat, d'obligations, et le reste ce sont des sunan, c'est-à-dire des actes surérogatoires qui viennent compléter par faire la prière. Nous avions dit que le pilier, il constitue mada, l'ossature de la prière. Autrement dit, si un pilier n'est pas respecté, la prière est annulée, elle tombe. Donc la parole de Cheikh Saadi ici vient corroborer déjà ce que nous avons déjà étudié. D'autant plus si le pilier est délaissé de manière préméditée. Exemple, une personne est dans sa prière. Elle passe de la position debout à la position de prosternation, en oubliant et en délaissant avec préméditation un recours, c'est-à-dire l'inclinaison ou la génuflexion. De manière préméditée, il passe de la position debout à la prosternation moubacharat. Que dira-t-on de sa prière? Elle a annulé complètement. Ce n'est pas la peine qu'il se fatigue à continuer, d'accord? Il sort sans faire de taslim, car la prière n'a plus de valeur. Et il refait takbiratul ihram, yastanifu salat min jadid. Non, il recommence la prière depuis le début. Deuxième cas de figure, il fait la même chose, sauf que dans la sujoud, dans la prosternation, il regrette. Il dit, ah non, là j'étais un petit peu trop loin. Est-ce qu'il peut revenir en arrière, faire le recours? Non. Oui ou non? Non. La prière, c'est pas un jeu, même s'il regrette, alors qu'il est en sujoud, le simple fait qu'il ait délaissé le pilier, ceci invalide la prière. Qu'il le regrette ou non par la suite. Peu importe. La femme croit. Donc la prière vient s'annuler lorsqu'on délaisse un pilier volontairement. Ça, c'est un. Ou une condition. Qui me rappelle les conditions de la prière? C'est ça. Non. Al-Islam, donc il faut être musulman. Al-Aql, il faut être doué de raison ou avoir toute sa raison. Al-Tamiz, c'est quoi le tamiz? C'est le discernement. C'est que la personne, elle a la faculté de discerner entre le bien et le mal, entre ce qui est haram, ce qui n'est pas haram. En général, c'est à l'âge de 6 ans, 7 ans, voire pour les enfants précoces, 5 ans. Raf'ul hadathi, lever l'état d'impureté rituelle, par les ablutions entre autres, ou le lavage rituel. Ça c'est douloureux, mohimma ça. Izalatun najasa, le fait d'annihiler les impuretés et les souillures, comme l'urine et autres. Il en reste 3. Satturul aurati, de cacher la nudité. Dukhulul waqti, l'entrée de l'heure. Jamil, barakallahu fik. Wastiqbalul qiblati, se diriger vers la qibla. Voilà 9 conditions de la prière. Une condition, par définition, c'est quoi? Si la condition ne vient pas valider forcément la prière si elle est présente, mais par contre, elle l'invalide si elle est absente. C'est ça la définition de la condition. Autrement dit, si une des conditions n'est pas respectée, la prière est invalide. Donc, dans notre cas ici, une personne, volontairement, elle délaisse une des conditions de la prière, elle délaisse, par exemple, le fait de se diriger vers la qibla. Volontairement. Il sait que la qibla est derrière son dos, mais il prie de l'autre côté. Sa prière est annulée. Hein, mes frères? Complètement. Une femme qui déciderait de faire une prière sans couvrir sa tête. Sa prière est annulée. Car pour la femme, cacher la nudité, c'est couvrir tout son corps, sauf le visage et les mains. Etc., etc. Hein, mes frères? Ensuite, il dit quoi, cher Sadi? Il dit délaisser un pilier ou une obligation. Donc, les piliers sont 14, comme on l'a vu. Ou une obligation, plutôt une condition. Elles sont de 9. Wa huwa yaqdiru alayhi, alors qu'il a la capacité de les faire. Pourquoi il a dit ça? Car, des fois, on n'a pas la capacité de pouvoir respecter ces conditions ou ces piliers. Simplement. Une personne qui est malade, qui ne peut pas être debout dans la prière, il prie comment? Assis. Alors que la position debout est un pilier. Mais il est excusé par son incapacité. De même, une personne, il ne peut pas avoir d'eau ni la terre pour se purifier. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de terre. Il a par exemple du carrelage. Hein? Pour ceux qui disent que le carrelage, c'est pas un... Il ne prend pas la place de la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la prière comme ça. D'accord? Donc il n'a pas rempli la condition de la purification. Mais pourquoi? Car il ne pouvait le faire. Donc sa prière, elle reste acceptée. Comme le dit Cheikh Saadi. Amdan, on l'a vu, de manière préméditée. Sahwan ou Jahlan. Qu'il ait oublié ou qu'il était ignorant de son statut juridique. Pour les piliers, on l'a vu, quelqu'un qui oublie un pilier. Qu'est-ce qu'il doit faire? S'il oublie un pilier, il doit annuler sa première rak'a. Oui. Ou la première ou la deuxième. Il annule la rak'a et il rajoute une autre. Ça, c'est dans le cas où il s'en rappelle quand il est arrivé au même niveau dans la rak'a suivante. Jamais. S'il s'en rappelle dans la même rak'a, il revient en arrière. Il revient au pilier oublié. Il continue sa prière et il fera deux sujouds à la fin. S'il s'en rappelle juste après la prière. Oui. Comme ça, il rattrape, il refait deux sujouds. Non. Oui. Il refait le pilier, il reprend au pilier où il a oublié et il termine son salat en faisant deux sujouds à la fin. Il reprend au pilier où il a oublié et il fera deux sujouds à la fin. S'il s'en rend compte bien après. Qu'il a oublié un pied dans sa prière. Hein? Il recommence à ça depuis le début. Ma foi, ça on l'a vu en détail, Inch'Allah. Donc, le pilier, on ne peut pas s'en passer. On est obligé de le faire. Dans chacune des situations. Que tu l'aies délaissé avec préméditation, par oubli ou par ignorance. par ignorance par exemple. Quelqu'un qui vient de commencer la prière, donc il a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc il fait sa prière, il ne la fait pas correctement. Et dans les choses qu'il ne fait pas correctement, il oublie ces choses essentielles parmi les conditions et les piliers. Par exemple, il prie, mais il ne sait pas que l'heure est une condition de validité de la prière. Donc il prie à chaque fois avant l'heure. Il prie une heure, un quart d'heure, 20 minutes avant l'heure. Pensant que ce qu'il fait c'est bien, mais il ne sait pas que l'entrée de l'heure est une condition de la validité de la prière. Donc qu'est-ce qu'on dira à celui-là? Il est ignorant du hukm. Il est jahil. Tayyib. Qu'est-ce qu'on va dire de sa prière? Est-ce qu'on va dire qu'il est ignoré et excusé par l'ignorance? Dans le péché. Il ne fait pas de péché. Il est excusé dans l'ignorance, dans le péché. Mais est-ce que sa prière, il doit la refaire? Oui. Ah là, il la refait, c'est une deuxième chose. Il faut bien différencier entre le péché et la prière qui reste suspendue au-dessus de sa tête. Fassalatu ala zimmatihi, comme on dit. Celui qui délaisse un pilier volontairement, non seulement il commet un péché, parce qu'il l'a délaissé de manière préméditée. Et en plus de ça, il doit recommencer la prière. Celui qui délaisse un pilier par ignorance, on va pas, Allah, il va pas le châtier. Allahumma la tu'akhidna, Rabbana la tu'akhidna, innasina, ou, akhtana bijahl. Ne nous tiens pas rigueur, oh Allah, si nous avons oublié ou nous avons fauté par erreur et par ignorance. Walakin as-salatu ala zimmatihi, ala raqabati. La prière, il doit la refaire dans tous les cas. Donc, cette personne-là, le lendemain, il vient à la mosquée, il apprend qu'en fait, il priait avant l'heure. Eh bien, on lui dira, il faut qu'il rattrape toutes ces prières qu'il a fait avant l'heure. Il les rattrape. Hein? Il doit essayer de les recompter, il les rattrape. Si elles sont nombreuses, alors il essaie de se rapprocher de ce qu'il peut, de se souvenir de ce qu'il peut, et il fera les prières comme il le peut, Inch'Allah. Il les rattrape le plus rapidement possible et dans l'ordre. Hein? S'il peut le faire. Voilà, s'il peut le faire. S'il peut pas le faire, si c'est trop dur pour lui, il peut espacer. Il prie par exemple, il a raté, je sais pas, 10 prières. Qu'est-ce qu'il fait? Il a la capacité, il a la force aujourd'hui de faire 3 prières d'un coup, il les fait. D'accord? Après il est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Il retarde les autres jusqu'au moment où il pourra de nouveau les refaire. Hein? Il a raté 2 jours. Oui. 2 jours, ça fait 5 prières. Ça fait 10 prières. Oui. Le fait qu'il les a ratés, on est en plein port. Est-ce qu'il va rattraper la échelle et encore? C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ذلك. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a oublié de faire une prière, ou qui a dormi, alors que la prière est passée, qu'il l'a pris dès lors qu'il s'en rappelle. Donc dès lors que tu as la capacité de le faire, tu le fais. Et il n'aura aucune expiation à faire si ce n'est le fait de faire cette prière. Donc il doit la faire le plus rapidement possible. Alors que l'on fait quoi? Non. Il essaye, biqadr al-mustata'. Les savants disent biqadr al-mustata'. À mesure du possible, il essaie de les rattraper. Si elles sont vraiment nombreuses, alors il peut faire aussi kathrat al-nawafil. Il fait beaucoup de nawafil, de nafila. Non. وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ كُسَلَمْ Ma première fois, il y a une seule condition qui ne rentre pas dans cette règle-là. مَنْ تَرَكَ رُقْنٍ مَنْ تَرَكَ أَوْ بِتَرْكِ رُقْنٍ أَوْ شَرْطٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلِيهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا. Il y a une condition qui doit être qui invalide la prière si elle est délaissée dans tous les cas. Quelle est-elle? Hein? Al-Niyya. L'intention. Hein, Mirwa? L'intention. Car il est clair qu'une personne qui n'exprime pas l'intention dans son cœur sur une prière obligatoire, alors sa prière elle est invalide. Dans tous les cas. Hein? Dans tous les cas. Quelqu'un par exemple qui rentre, ça arrive souvent. Quelqu'un qui, par exemple, qui prie le Asar pense en prier le Dhuhr, ou vice versa. Il commence, pour lui il est en train de prier le Asar, pour lui il est en train de prier le Dhuhr, mais en fait c'est le Asar. Qu'est-ce qu'on dit de sa prière? Elle est annulée. Il sort. Hein? Pourquoi? Parce que la niya, elle vient toujours conditionner l'acte avant. Tu peux pas avoir une niya dans une prière obligatoire en milieu de prière. Ou la changer en milieu de prière. Hein? Concernant les prières obligatoires, je parle bien. La première fois. Le deuxième point qu'a cité Cheikh Saadi, il dit au bital ki wajibin amdan, ou celui qui délaisse une obligation de la prière de manière volontaire, de manière préméditée. Ça on l'a vu aussi. Celui qui délaisse un wajib bita'ammud, c'est-à-dire de manière préméditée, cette prière est annulée. Mais si il l'oublie par oubli ou par ignorance, est-ce que sa prière est annulée? Qui peut me rappeler un wajib de la prière, par exemple? Un wajib. Le fait de dire Subhan Rabbil Azim, c'est un wajib de la prière. Quelqu'un qui est de l'aise avec préméditation, sa prière est invalide. Qu'il soit tout seul ou derrière l'imam. Peu importe. Là, ce que dit ici, Shassan. Entre parenthèses, celui qui délaisse ou qui oublie de faire un wajib. Sa prière est annulée? Non. Il doit la réparer par deux prosternations. Et s'il est derrière l'imam, il n'a rien à faire. Hein? Pareil, celui qui ne savait pas. Le djahil. D'accord? Il le répare. Enfin, pour celui qui ne savait pas, Inch'Allah, la isma alayhi. D'accord? Sa prière reste valide. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point. Al-Kalam ou Amdan, le fait de parler dans la prière. Quand on dit parler, c'est parler par des phrases ou dire des paroles qui ne font pas partie de la prière. D'accord? Il y a le fait de parler dans ce qui est légitime et le fait de parler dans ce qui n'est pas légitime. Parler dans ce qui est légitime, par exemple, Al-Fatiha. Hein? Il lit Al-Fatiha, donc il est en train de parler. Mais c'est légitime, c'est condition. Légiférer dans la prière. Pareil, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, Takbirat et Intiqal. Donc le fait de dire Allahu Akbar à chaque fois, At-Tashahud. Tout ça, c'est des paroles. Il parle dans la prière. Mais, c'est légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, ici, on parle de quoi? On parle du kalam al-ghayr mashrou'a. Wa hadhihi min al-muhtarazat, comme on dit. C'est partie des choses qu'il faut sortir de cette règle générale. Parler de manière préméditée de choses qui ne font pas partie de la prière, les raïs et maslaha. Sans maslaha. Taïm. C'est-à-dire sans intérêt. Ceci est appuyé par deux hadiths piliers dans ce chapitre. Premièrement, le hadith de Zayd ibn Arqam. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, إذا كنا إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Certes, nous parlions dans la prière à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. ويكلم أحدنا صاحبه. L'un d'entre nous parlait à son compagnon. بحاجته حتى نزلت وقوموا لله قانتين. Donc, dans la prière, qu'est-ce qu'il faisait? Les uns parlaient aux autres. Un tel comme toi, tu es en train de parler à ton copain, par exemple. Non. Donc, il disait, ceci et cela, as-tu vu ceci et cela? Non. Il parlait de choses qui les concernaient. Jusqu'à ce que descende la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa kumu lillahi qanitin. C'est-à-dire, et tenez-vous droit devant Allah, tabaraka wa ta'ala, qanitin, al-qadit, c'est celui qui est en dévotion. Donc, il n'y a pas de place pour la parlotte, comme on dit. Non. Fa umirna bis sukut. Nous avons été ordonnés à ce moment-là de nous taire, non, anil kalam, non, de nous taire et de ne pas parler. Un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 1142. Le deuxième hadith, hadith de Muawiyah ibn al-Hakam, c'est un long hadith, je vous ai juste ramené ce qui nous intéresse dans ce hadith-là. Un homme a éternué dans la prière. Il a dit, Alhamdulillah. Alors, quelqu'un avant tout ceci, qu'est-ce qu'il, dans la prière, dans les rangs, il a dit Yarhamuk Allah, alors qu'il était dans la prière. Ce qu'on appelle Tashmit ala al-Atif. Le fait de dire Yarhamuk Allah. Alors, à ce moment-là, les Sahaba, ils étaient énervés parce qu'ils savent qu'il ne faut pas parler dans la prière. Ils ont dit, oui, il a qu'un malheur à toi. Qu'est-ce qui t'arrive de battre dans la prière comme ça? Et alors, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, cette phrase. Il a dit, inna hadihi salata, cette prière, la yasluhu fiha min kalam al-nas bi shay. Cette prière, il n'y a pas lieu d'avoir dans celle-ci la parole des hommes. من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن سنك دو التسبيح سبحان الله سبحان رب العظيم سبحان رب العالى والتكبير الله أكبر وقراءة القرآن et la lecture du Coran. Voilà ce qui nous est permis dans la prière. Ce hadith aussi est rapporté par l'imam muslim sur le numéro 537. La première fois مسألة problématique ici. Celui qui parle dans la prière par oubli, non, par distraction, ou alors par ignorance, il ne sait pas que c'est interdit. Non. Comment est sa prière? Est-ce qu'elle est invalide? Il ne la répète pas. Non. Pour celui qui parle par oubli. Pour celui qui parle par oubli, nisyanan, tout dépend. Normalement, on ne la répare pas parce qu'on l'a rajouté dans la prière, quelque chose qui ne fait pas partie de la prière. Rappelez-vous, quand on faisait les arkam sujoud des sabres, on a dit que tout rajout nécessite deux prosternations, avant ou après? Après, très bien. Mais les rajouts ici, ce sont des rajouts qui à la base sont des actes de la prière. Par exemple, j'ai rajouté un sujoud, j'ai rajouté une rakara. Ce sont des choses qui à la base font partie de la prière. Là, on rajoute quelque chose qui ne fait pas partie de la prière aslan. Donc, on n'a pas de sujoud à faire à la fin. Vous avez compris la différence entre rajouter quelque chose qui fait partie de la prière à la base et une chose qui est étrangère à la prière à la base. Par exemple, quelqu'un qui fait deux recours au lieu d'un seul. Il a rajouté un recours, c'est ça? Mais ce recours à la base, c'est un acte de la prière. Donc, celui-là, on le répare par deux prosternations après. Taslim. Contrairement à une chose que je rajoute dans la prière, mais qui ne fait pas partie de la prière à la base, comme le fait de, par exemple, de parler. Hein, ou de dire, ou de répondre au salam, ou alaykoum salam. Ce ne sont pas des actes de la prière en eux-mêmes. Le fait de rajouter ici n'implique pas, ou ne s'entend pas, que tu devras faire à la fin deux sujouds de prosternation, ou de réparation à la fois. Hein, mes rois? Non. Donc sa prière n'est pas annulée, il n'a rien à faire. Non. De même, concernant l'ignorant, il a rajouté, donc ici le hadith que je vous ai cité, le dernier hadith que je vous ai cité, la personne elle a rajouté dans sa prière, elle a dit Alhamdulillah, et l'autre il a dit Alhamdulillah. Donc le premier, il a rajouté Alhamdulillah, et le deuxième, il a rajouté Alhamdulillah. Est-ce que le prophète leur a demandé de recommencer leur prière? Non. Non. Est-ce qu'il leur a demandé de faire deux prosternations de réparation? Non. Non. Il leur a juste dit Inna hadihi salata la yasluhu fiha min kalam al-nas bi shay. Wa inna at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an. Il leur a juste donné une information et une orientation. Cette prière, on ne doit pas parler, on ne doit pas ramener la parole des gens dans cette prière, mais ce n'est que du tasbir, takbir, ou akhirat, etc. La première fois. Troisième chose qu'a cité le shir, al-qahqaha. Qu'est-ce que al-qahqaha? Ou al-dahiku bisaut. C'est le fait de rire, mais en produisant un son. On pourrait dire rire à gorge déployée. Non? Mais ça peut être en dessous de ça. Quelqu'un qui rigole et on entend son rire, on appelle ça en arabe al-qahqaha. C'est un annulatif de la prière. Dès lors qu'on entend ce son, la prière est annulée et le dalil sur ça, ijma', le consensus des savants rapporté par Ibn al-Mundhir. là, dans son livre l'Ijma. Et en général, Ibn al-Mundhir, quand il rapporte Ijma'at, en général, ils sont vérifiés et approuvés. Là. Ijma. Aussi, on a un affaire de Jabir ibn Abdullah, mais la chaîne de transmission n'est pas authentique. Je vous le ramène quand même, Inch'Allah. Il était dit que Jabir ibn Abdullah a dit: من ضحك منكم في صلاته فليتوضأ ثم ليعيد الصلاة. Quand l'un d'entre vous rit dans sa prière, qu'il fasse ses ablutions et qu'il recommence sa prière. La chaîne de transmission de ce athar, cette parole du compagnon, n'est pas fiable. Non. À la Kulahal, pour prouver que ceci est un annulatif de l'islam, on s'appuie sur quoi? Sur le ijma, le consensus. Car comme je vous le rappelle, les preuves légiférées dans l'islam, ce sont ceux qui viennent du Coran, donc le verset coranique, le hadith du prophète authentique, le ijma, le consensus, et l'analogie, nam al-qiyas, lorsque ces conditions sont respectées. Non. Quand on dit ijma, plus personne parle, surtout ijma al-salaf. Quand on dit ijma al-salaf, même si le plus grand des savants de notre époque, il vient, il dit non, moi je suis pas d'accord. Fakalamuhu batil. Non? Walau kana shaykhan kabira. Mithl al-jibal. Pourquoi est-ce que ijma' al-salaf c'est un dalil? C'est comme si tu viens réfuter une ayah ou un verset ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam clair de sens. Non. Mas'ala. Al-ibtisam. C'est quoi l'ibtisam? Le sourire. Donc il y a une différence entre le rire, al-dahik, ou al-ibtisam. Ibtissam, c'est comme fait par Mohamed Samiz. Yabtassim. Non? Ibtissam, la yubtilu salah. Il ne vient pas annuler la prière. Non? Surtout s'il est, comment dire, l'iraïli, surtout si, idakana li'udr. Par exemple, quelqu'un est dans sa prière en dévotion. Il se rappelle les bienfaits, les délices du paradis. Il se peut qu'il sourie. Non? Donc sur celui-là, aucun problème, Inch'Allah. Maintenant, celui qui sourit, l'iraï des ordres, sans excuse valable. Qu'est-ce qu'on dira de celui-là? On dira que cet acte-là, il est makrouh, il est détestable, mais sa prière, elle reste valide. La première fois, allez combi, tafriq baina al-dahiki wa al-ibtisam. Vous devez faire la différence entre les deux, Inch'Allah. Cinquièmement, l'auteur du livre a cité wa bil harakatil kathirati urfa al-mutawaliyati li ghayri darura. Donc c'est le fait de faire des mouvements excessifs et consécutifs. Non, qui ne font pas partie de la prière et ceci sans une nécessité. Par exemple, donc les exemples sont nombreux. Quelqu'un qui est dans sa prière par exemple et je sais pas moi qui est en train d'imiter un joueur de football en train de jongler. Non. Il fait ça dans toutes les rakara comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire de sa prière? Bon, t'es là. Non? Parce qu'il a fait ces mouvements qui ne font pas partie de la prière. Il les fait de manière répétitive. Non? Et il perdure dans toute la prière pratiquement. Donc c'est un annulatif à part entière. Non, je crois? Et les raïs d'Aloura, il n'y a aucune nécessité à faire ce genre de geste. Bien au contraire. Non. Pareil, quelqu'un par exemple qui est dans sa prière, il marche dans sa prière. Il marche, par exemple, quelqu'un qui prie là-bas au fond, en priant, il marche. Il marche jusqu'ici, par exemple. L'Iraïl est dans l'Ora. Sans nécessité. Fasalatuhu batila. Non? Pareil, quelqu'un qui est en train de se peigner. Ou quelque chose que vous avez déjà vu sûrement. Quelqu'un qui est dans la prière, son téléphone il sonne, et il regarde ses messages. Il a déjà vu ça. Non. Donc au début, normalement, s'il prend son téléphone juste pour éteindre la sonnerie, pas de problème. Ça reste court dans le temps. Et il y a une daroura ici, il y a une nécessité. C'est pour pas gêner les autres. Mais quelqu'un qui prend son téléphone, même si au départ son intention c'est d'éteindre, et il regarde, il voit message, et puis il est en train de, il y a ta safar, comme on dit, il est en train de, de tourner les messages comme ça, les SMS, WhatsApp, etc. Là, il rentre dans ce qu'a cité Cheikh Saadi. Il prend le risque d'annuler sa prière. Elle est annulée ou annulée? Annulée, complètement, oui. Quelqu'un qui regarde ses messages dans la prière, ah oui. Mais quelqu'un qui cherche à éteindre son portable, non. Parce que là, il y a un daro, là. Il cherche à l'éteindre pour ne pas gêner les autres. Non. Tous ces actes ne font pas partie de la prière, donc ils sont annulatifs à trois conditions. S'ils sont conséquents, c'est-à-dire qu'ils sont répétitifs, s'ils se suivent, et s'il n'y a pas de nécessité. Les règles d'Allah. Non, mais quoi? En dehors de ces trois caractéristiques, il est permis de bouger, de faire des gestes harakat khafifa. Des gestes, on va dire, courts et légers. Les darura. Ou les règles darura. Par exemple, quelqu'un qui est dans sa prière, et pour X raison, il fait ça comme ça. Pour X raison. Sa prière n'est pas annulée. Ça reste khafif. Ça reste quelque chose de léger. Ou quelqu'un, par exemple, les darura. Il se gratte la tête. Ou il se mouche. Ou il remet sa chagia, voilà. Ça, ce ne sont pas des annulatifs de la prière. D'accord? Pourquoi? Soit il y a une darura, soit ça reste court dans le temps, soit c'est ponctuel. Il ne l'a fait qu'une seule fois. Hein? Très bien. Enlever son manteau. Hein? Enlever son manteau. S'il a trop chaud et que ça yufqidu bihi al-khushu', il perd son khushu', sa concentration dans la prière, oui, il peut l'enlever, Charles. Sans problème. Il ne faut pas que ça soit des gestes qui soient trop conséquents. Kathira. Non. Si par exemple il doit enlever son menton après, il doit enlever ceci, il doit enlever cela. Au final, la personne qui le regarde, il croit qu'il n'est pas dans la prière. Non. Quelle est la preuve de ceci? Les preuves sont nombreuses. Je vous ai ramené un hadith. C'est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Sur le numéro 494. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier, ya ummun nas, car il s'allie imam. Il prie en tant qu'imam. Ya ummun nas, et il y avait sa petite fille, la fille de Zaynab, Umama, d'Abu al-As. Zaynab, la fille du prophète, est mariée à Abu al-As. Leur fille, à eux deux, est Umama, binti Zaynab. Donc c'est la petite fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était en train de prier, quand il était debout, il la mettait sur elle. Et quand il se prosternait ou s'inclinait, il la posait par terre. Donc il fait des gestes qui ne font pas partie de la prière. Ces gestes-là, ils restent, comment dire, légers et l'iddaloura. Donc, ça c'est une preuve comme quoi on peut bouger lorsque on remplit ces trois conditions, Inch'Allah, sans problème. Un autre hadith qui est aussi parlant, c'est le hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i wa al-Tirmidhi et Cheikh al-Albani l'a authentifié. Ou l'a rendu Hassan. L'imam al-Tirmidhi l'a rapporté sous le numéro 601. La hadith de Aïcha qui a dit, je frappais à la porte, donc l'appartement du prophète. Je vous imaginez-vous l'appartement du prophète ou les appartements du prophète. Il y en avait plusieurs. Chaque appartement, il y avait une des femmes du prophète, une des épouses du prophète. Ils étaient tellement petits que en deux pas, on arrivait, on touchait le mur à l'autre. Bam. Pour montrer comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est en train de prier chez lui, jusqu'à Aïcha frappa à la porte, le prophète est en prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un pas devant lui, la Qibla, la porte était en direction de la Qibla. Il a fait un pas devant lui, et il a ouvert la porte à Aïcha. Tout en étant en prière. Ce qui prouve que, lorsqu'il y a une daroura, une nécessité, et que le geste est relativement court, et léger, on peut bouger. Voilà. Ensuite, le Cheikh a cité, où on a terminé avec les annulatifs de la prière. Il y en a un qu'il n'a pas cité, que je vais vous citer maintenant, Inch'Allah, c'est le fait de manger et de boire dans la prière. Il est strictement interdit de manger et de boire alors qu'on est en train de prier de manière préméditée, car ceci vient annuler la prière. Le dalil sur ça, c'est le ijmar, le consensus des savants rapporté aussi par Ibn al-Mundhir. celui, il dit, أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة والتطوع للجمهور. Il dit, les savants se sont entendus, les gens de science se sont entendus, que celui qui mange ou qui boit dans sa prière obligatoire, de manière préméditée, alors il doit la recommencer. Ce qui sous-entend que ceci est un annulatif de la prière. Et il dit entre parenthèses, et dans les prières surérogatoires, ça vient annuler, mais pour la majorité des savants, pas le consensus. Non. Il y a des divergences chez les savants qui font la différence entre la prière obligatoire, la prière qui n'est pas obligatoire. S'il a mangé avec préméditation, ou il a mangé par oubli, par inadvertance. Si ce qu'il a mangé ou ce qu'il a bu, c'est en grande quantité ou en petite quantité. Ils font la différence entre la nourriture et la boisson. Et dans la boisson, ils font la différence entre l'eau et le reste. Tout ça, ce sont des divergences qui existent. Voilà, Kulihal, ils sont unanimes sur une chose. C'est ça qu'il faut retenir déjà. Premièrement, celui qui mange ou qui boit. Qui mange ou qui boit volontairement dans sa prière, qu'elle soit une prière obligatoire, une prière surérogatoire, que cette nourriture soit en petite quantité ou en grande quantité, ou que cette boisson soit en petite quantité ou en grande quantité, quelle que soit sa nature, alors c'est un annulatif. Hein? Dès lors qu'il y a préméditation, la prière s'en voit annulée. Deuxième chose, pour vous résumer ceci, celui qui mange et qui boit par oubli dans la prière, par inadvertance. Hein? Donc ça démontre que cette personne-là, elle est... peu consciencieux dans sa prière et pas du tout concentré, parce que pour manger dans la prière, il faut le faire. Voilà. Mais c'est un cas qui peut arriver. Celui qui mange et qui boit par oubli, alors il n'annule pas sa prière quand c'est en petite quantité. Et ça annule sa prière quand c'est en grande quantité. Dans l'hypothèse où quelqu'un est diabétique et il sait qu'il va faire un malaise, c'est on va dire une darura, oui. Et il prend un sucre. Est-ce que ça annule sa prière? Non, ça c'est une darura. Ça veut dire que c'est pas annulé? Oui. Non. On a un athar de Abdullah ibn Zubayr qui ne fait pas l'unanimité chez les savants, qui disait que, ou on a rapporté de lui, qu'il buvait des petites quantités d'eau dans la prière surérogatoire, notamment la prière de nuit. Non. Pourquoi il buvait des petites quantités d'eau? Parce qu'il priait de longues prières. Donc, pour rester, comme on dit, en forme, il buvait des petites gorgées ici et là. Ce athar, il ne fait pas l'unanimité, mais le plus probable, c'est qu'il n'est pas authentique. C'est pas une preuve. Non. Enfin, ce n'est pas une preuve en lui-même. Problématique. Est-ce que le chewing-gum annule la prière? Le fait de mâcher un chewing-gum? Oui. Si on oublie. On rentre en salade et on l'a. Quelqu'un qui a l'habitude de mâcher. On le garde dans la bouche comme un bonbon. Non, je vais venir. Chaque chose en son temps. Le fait de mâcher le chewing-gum, c'est comme le fait de manger. Hein? Il y a la parole de l'imam al-Barawi sur ça. Qui reprend, à quoi les salafs, qui reprend l'avis des salafs sur ça. Hein? On a ce qu'on appelle l'arabe al-Luban. Pour ceux qui connaissent al-Luban. C'est une espèce de, comment on pourrait dire, comme des petits, une forme de petits caillots comme ça, mais quand tu les, ça fait comme un chewing-gum après. Voilà, ça existe depuis longtemps. C'était le salaf des chewing-gums. Non. Donc il parle, les savants, il parle du louben, ou l'alk. Non. Celui qui garde quelque chose dans sa bouche maintenant. Donc on vient à ta question. Quelqu'un qui garde quelque chose dans sa bouche. Si cette chose-là, elle est dans sa bouche, elle fond, comme le sucre par exemple. Le sucre qu'on laisse dans sa bouche, il fond. Donc il va être obligé d'avaler. Donc ça, c'est un annulatif. Hein? Mais quelqu'un par exemple qui tient quelque chose entre ses dents, ou dans sa bouche par exemple, comme une noisette. Noisette, elle fond pas dans la bouche. Il la garde parce qu'il peut pas la mettre ailleurs par exemple. Hein? Dans ce cas-là, où il la tient entre ses dents, dans ce cas-là, c'est pas un annulatif. D'accord ? Par exemple, quelqu'un qui récite le Coran, il a la rosette dans sa main, et puis quand il veut partir en soujoud, il la met entre ses dents, ou dans sa bouche. D'accord ? Dès lors que ça ne fond pas, ça ne vient pas annuler la prière. D'accord ? Toutes ces questions-là, les savants se sont penchés dessus dès les premiers temps. Pour le chewing-gum, par exemple, si ça lâche un bout, par exemple, si on le laisse en haut, par exemple. Non, le chewing-gum, c'est un ayatif. Faut l'enlever. Non. Le chewing-gum, faut l'enlever, ça. D'ailleurs, celui qui. C'est un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de garder quelque chose dans la bouche. C'est un mauvais comportement. Adasu, adab. La personne devant Allah, tabaraka wa ta'ala, elle doit être dans la meilleure condition, tant de manière apparente que cachée. Non. Qu'est-ce que dit Cheikh Sardi par rapport à tous ces annulatifs? Il dit, لِأَنَّهُ فِي الْأُوَلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ الْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعْلَ مَا يُنْهَا عَنْهُ فِيهَا. Il dit, car dans les premières choses que j'ai citées, الْأُوَلِ جَمْعُ الْأُولَى. Dans les premières choses que j'ai citées, donc qu'est-ce qu'il a cité au début? Le délaissement des piliers, des conditions et de l'obligation de manière préméditée. Il dit dans ceci, il y a quoi? Il y a le fait de délaisser ce qui vient parfaire la prière. Non? Ce qui vient compléter et parfaire la prière. Wabil akhirati, et dans les choses que j'ai citées par la suite, il y a le fait de commettre ce qui a été interdit par le prophète. Comme le fait de rire, le fait de parler, le fait de manger. Tout ceci sont des choses qui ont été interdites par le prophète. Donc ça, soit tu commets l'interdit, soit alors tu délaisses ce qui est primordial. Dans les deux cas, ça vient annuler ta prière. Ma première fois. Après, notre orgueil va passer à ce qui vient ou ce qui est répréhensible et réprouvable dans la prière, que ce soit dans les paroles ou dans les actes. Ici, en premier lieu, al-iltifat ou fissala. Là aussi, on a beaucoup de choses à dire. Même en al-iltifat, yaltafit, il regarde à droite, à gauche, il tourne. Bref, il va dans tous les sens. Yaltafit. Ça, on le voit beaucoup aussi chez les gens. Non. Même si des fois la tête, elle bouge pas, mais le regard, yaltafit, il bouge. Non. Je rapporte toujours cette histoire. Un ami qui était en Mauritanie, il était à Nouakchott, la capitale, et il rentre dans une mosquée. Il voulait un renseignement, donc il voit quelqu'un au milieu de la mosquée, debout. Vous savez quel maliki il y a en Mauritanie? C'est des malikites. Malikites, il prie un sale, il prie les mains comme ça. Donc cette personne était debout comme ça et elle regardait comme ça. Donc lui, il pense, jamais il lui est venu à l'esprit que cette personne-là était en prière. Mais il était en prière. Il était en train de prier. Donc quand il est venu le voir, il lui a posé une question. Et attendant la réponse, l'homme il a dit Allahu Akbar, il est parti en l'encore. En fait, il était en train de prier. Non. Mais le fait qu'il regardait à droite, à gauche comme ça, on aurait cru qu'il n'était pas en prière. Non. En plus du fait qu'il mettait les mains comme ça. Et alors, il se met comme ça, on aurait pu comprendre qu'il était en prière. Voilà, Kulihan. Al-Iltifatu, il est de deux sortes. Ça, c'est très important à comprendre. Al-Iltifatu, al-Nawain, Hissi wa Ma'nawi. Il est d'ordre physique et d'ordre plutôt conceptuel. De l'esprit, une vue d'esprit. Physique, dans le sens où je tourne la tête dans la prière. Ou alors je tourne mon corps. À droite ou à gauche. Ou alors vers le ciel, on va y venir. Ah. Ça, c'est ce qu'on appelle l'iltifat et l'hissi, c'est-à-dire de ton corps. Ou al-ma'nawi, l'iltifat ou l'qalb. Lorsque ton cœur se détourne. Se détourne de qui? D'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et celui-là, il est beaucoup plus préjudiciable dans la prière que l'autre. Al-akul-hal, ici, l'iltifat, Cheikh Sa'di, il part du premier cas. L'iltifat et l'hissi, celui qui est physique, d'ordre physique. Le fait de tourner la tête dans la prière ou de tourner le regard, ceci vient corrompre quoi? Al-khushu'a. Qu'est-ce que al-khushu'a? C'est la concentration. Hein? C'est la concentration. C'est le fait que ton cœur a de la quiétude, est dans une quiétude indescriptible vis-à-vis d'Allah tabarak wa ta'ala, il est dans une espèce de tranquillité, de sérénité, et il est en dévotion, en référence devant Allah. C'est ça qu'on appelle al-khushur. Ou al-khushur, c'est pas le fait de pleurer. Certains pensent que le khushur, c'est quand tu pleures ta prière. Non. Le khushur, c'est quand le cœur, il est apaisé devant Allah tabarak wa ta'ala. Le fait de tourner sa tête à droite à gauche, ou de tourner son regard à droite à gauche, sans darura, les règles darura, sans nécessité, ceci nous prouve que ton cœur n'est pas présent. Il n'est pas présent. Car tous les membres du corps ne sont tributaires ou ne suivent que les mouvements du cœur. Si le cœur est droit, serein, le reste de ton corps sera comme tel. Comme l'a dit Abu Huraira, il a dit, le cœur dans le corps, c'est comme le roi avec son armée. Le cœur, c'est le roi, et les membres du corps, c'est l'armée. Ils s'exécutent. Lorsque le cœur leur dit, fais ceci, ils le font. Lorsque le cœur dit, faites cela, ils le font. Là, donc si ton cœur est distrait, ne sois pas étonné que tes actes, tes membres du corps soient distraits. Quelqu'un qui prie vite, qui casse sa prière, au final, il prie pas. Qu'est-ce qu'on dira de son cœur? On pourra dire que son cœur, il n'est pas présent. Hein? Regardez comment le prophète Sassam faisait la prière. Avec un calme déconcertant. Hein? Il faisait tous les piliers, toutes les obligations de manière parfaite. Dans n'importe quelle situation. Même, hatta fi halatil khawf, sallallahu alayhi wa sallam. Même dans la prière, dans les cas de danger extrême. Le prophète Sassam priait correctement. Ce qui prouve que son cœur était serein, calme. Le prophète a été questionné sur le fait de se détourner dans la prière, le fait de regarder à droite ou à gauche, ou en haut, ou sa montre, ou autre chose, ce message. سئل عن الالتفات صلى الله عليه وسلم فقال هو اختلاس واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. Il a dit c'est une subtilisation. C'est-à-dire que le shaitan vient dérober une partie de ta prière. Lorsque tu arrives à te faire berner, te faire rouler dans la farine par shaitan, il te fait regarder à droite et à gauche, en fait il a pris une partie de ta prière. Yartalisu shaitan min salatil abdi. Sahih Muslim. Or, des fois, on peut regarder à droite ou à gauche et même tourner la tête. S'il y a une haja, s'il y a une darura, s'il y a une nécessité. Et je vous rapportais ceci de deux hadiths. Le premier, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un espion après la bataille de l'Hunayn, en l'an 9 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un espion chez les ennemis. En attendant qu'il revienne, le prophète était en prière, et lorsqu'il était en prière, sallallahu alayhi wa sallam, il regardait, il jetait un œil vers la vallée d'où est censé venir cet espion pour ramener les informations. Donc le prophète regardait, avait toujours un œil. Donc ça c'est un iltifat, ça c'est un détournement qui est légiféré. Il y a une daroura ici. Là. Pareil, le deuxième hadith, c'est ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, quand l'un d'entre vous est touché par les wasawis, c'est-à-dire les insinuations de shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il crache trois fois, à droite ou à gauche? À gauche. Donc, il va être obligé de tourner. Donc, il y a le tafit walakin, les hajj. Il se tourne pour un besoin précis. Tout ça pour vous dire que dans certains cas, on peut se tourner sans problème. Ou on peut tourner le regard sans problème. Pareil, les savants évoquent par exemple une maman qui a un enfant en bas âge. L'enfant, il est à côté. La maman, elle doit toujours aussi avoir un œil sur son enfant. C'est pas qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, elle prie, et en même temps, elle jette un œil. La baisse. Il n'y a aucun problème sur ça, Inch'Allah. Etc. Etc. Etc. Oui. Effectivement, elle peut. C'est pour ça tout à l'heure que je disais, tu peux bien me le rappeler, lorsqu'on parlait du kalam, du fait de parler dans la prière, j'avais dit, entre parenthèses, les rails et les maslaha. S'il n'y a pas un intérêt à le faire, parle pas. Mais des fois, il peut y avoir un intérêt à le faire. Non? Par exemple, la maman, elle dit à son enfant, ta'al. Mais il faut que ça soit khafif, il faut que ça soit léger. Ou alors, elle peut faire un signe de la main aussi. C'est la haraka, il ne fait pas partie de la prière, mais ici, il y a un besoin. Non? Ou alors, elle regarde. Et si son enfant est à côté, elle peut tourner la tête. Elle tourne la tête, ensuite, elle revient à sa prière. Pareil aussi, si quelqu'un par exemple est en train de faire chauffer du marmite sur du feu, non, faut qu'il ait un œil sur le feu maintenant qu'on en fait quoi. Parce qu'il ne finira pas sa prière avant que tout soit brûlé. D'ailleurs, il y a une mas'ala ici maintenant qu'on en fait quoi, on va s'arrêter dessus, c'est le fait de regarder au ciel pendant sa prière. Et l'intifat ou il a sa main. Le prophète a interdit sallallahu alayhi wa sallam, le fait de le faire, ça fait partie des grands péchés. Car le prophète a cité avec cet acte-là un wa'id. Qu'est-ce que le wa'id ? Une menace. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa ils vont s'arrêter de le faire. Ils levaient leur ciel vers le ciel, ils levaient leurs yeux vers le ciel. Pendant la prière, le prophète les a vus, les a réprimandés sérieusement. Il a dit que ces gens-là arrêtent tout de suite, ou sinon, peu s'en faut que leur regard soit pris, qu'ils deviennent aveugles. Non, le hadith il est authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari. Non. Donc, puisque le prophète a cité une menace ou un châtiment, on en déduit que cet acte-là est un grand péché. Non. Pourquoi c'est un grand péché? Pourquoi il ne faut pas le faire, Barakallahu ben, fikoum? Parce que quand tu es en déférence et en vénération devant Allah, tu ne le regardes pas, Barakallahu ben, fikoum. Non? Puisqu'Allah est fauqa samawat et sab, Allah est au-dessus de ses yeux. Donc tu dois baisser ta tête, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn al-As, sahabi, s'est converti à l'ancêtre de l'Égypte. Il a dit: j'étais un de ceux qui détestaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que je me convertisse. Quand je me suis converti, je n'arrivais plus à le regarder dans les yeux. C'est-à-dire, à chaque fois que je voyais, je baissais la tête, de telle sorte que si une personne me demandait de le décrire, je ne saurais le faire. Kana yaghuddu basarahu amama wajha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, par respect envers lui. Que dire alors devant Allah? Non? Donc, celui qui lève. Certaines personnes, ils font ça quand ils se lèvent du recours. Ils font comme ça. Sami Allah, liman hamida rabbana wa lakal hamd. Non. Tu dois baisser ta tête, barakallahu fikoum, et tu dois faire preuve d'humilité devant Allah. Non. Sallu kama ra'aytumuni ou salli. Priez comme vous m'avez vu prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais ne lever sa tête au ciel. Non. Tardiman lillahi jalla wa'ala. Deuxième chose qui est makruh, qui est détestable, il y a al-abath. Qu'est-ce que l'abath? On le traduit par l'amusement. Mais en fait, l'abath, en fait, c'est le fait de faire des petits actes comme ça, répétitifs, tout petits. Par exemple, le fait de faire ça avec sa barbe, de faire des nœuds avec sa barbe. Je vais venir, ça après. Ça rentre dans l'abath. Fait de craquer ses doigts comme ça. La tafalqar. Non. Ou alors, quelqu'un qui se gratte les oreilles comme ça, les rehaj. Non. Ou qui se. Comment on dit je sais pas comment, qui se décrotte les yeux comme ça. Voilà. Non. Ou alors, qui fait ça dans la prière. C'est ça l'abeth. C'est des actes incohérents comme ça qui n'ont pas lieu d'être. Ça, c'est makruh. Hein? C'est makruh. S'il le fait de manière répétitive dans la prière, ça devient un annulatif dans la prière. Par la calophique. Cheikh Al-Uthaymin dit, ce genre de abeth, il contient trois grands méfaits. Le abeth, dans la prière, contient trois grands méfaits. Le premier, c'est que le cœur est distrait. Le cœur est distrait. Car, comme on l'a dit, quand les actes du corps font des choses comme ça, ceci prouve que le cœur n'est pas présent et n'est pas là. Donc, ça prouve déjà que le cœur est distrait. Donc ça, c'est quelque chose à remédier déjà. Deux, il vient s'opposer au sérieux qui doit être celui de la personne dans sa prière. N'est-ce pas? Est-ce que le prophète faisait ainsi? Non. Est-ce que les compagnons faisaient ainsi de manière générale? Non. Alors qu'il nous est demandé de faire sa prière de manière sérieusement, de manière consciencieuse, et en respectant tout ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans s'adonner à ce genre de futilité. Troisièmement, ce sont des gestes et des mouvements qui sont rajoutés dans la prière, qui ne font pas partie de la prière. Non. Donc aussi, ça vient ternir la valeur de ta prière. Non. Fin de citation. Ensuite, l'auteur du livre a cité « Wa wad'u al-yadi ala al-khasira ». Posez les mains sur le khasira. Le khasira, ce sont les flancs. Vous voyez l'os du bassin? L'os du bassin, on appelle ça el warik. Au-dessus du warik, on a ce qu'on appelle les flancs ou les hanches, si vous voulez. Le fait de faire la prière en posant ses mains comme ça, ou alors en posant ses mains entre son bas-ventre, pratiquement sur ses parties. C'est interdit, c'est makrouh. Pour deux raisons. Le hadith de Abi Huraira, qui a dit, nahana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, أن يصلي الرجل مختصرا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. Le prophète a interdit à l'homme de prier مختصرا, c'est-à-dire en mettant ses mains comme ça ou comme ça. D'accord? Comment doivent être les mains? À la sadam. Aussi, ça c'est le hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari numéro 1162. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Aïcha, rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3458, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que cette manière de faire, c'est la manière de prier des juifs. N'est-ce pas? Pour les alikas, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de ressembler aux juifs, hein, dans leurs actes d'adoration et dans leurs coutumes, et dans toutes choses, de manière générale. Pour ceci, c'est interdit. Ensuite, on a tashbik al-asabir. C'est ça, tashbik al-asabir. C'est le fait de croiser les doigts. Croiser les doigts, c'est autorisé de manière générale. Sauf dans deux moments. Hein? Lorsque tu vas à la mosquée et que tu es en train d'attendre la prière. D'accord? Et lorsque tu es dans la prière à plus forte raison. Voilà les deux moments où il est interdit de croiser les doigts. Dans la mosquée, en attendant la prière, quelqu'un par exemple, le adhan il est passé, il est dans la mosquée, il fait comme ça. C'est interdit. Après la prière, pas de problème. Le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le hadith que j'avais cité, lorsqu'il avait, il avait prié deux rak'at au lieu de quatre. Le prophète, après la prière, il s'est accoudé, et ensuite il avait croisé ses doigts comme ça. Mais pas de mal, c'est après la prière. Mais avant la prière, c'est problématique. Pourquoi? Parce que la personne qui a avant la prière, elle doit être dans un moment où il doit se préparer pour la prière. Donc là, il n'est pas en préparation comme ça. Hein? Normalement, il doit faire du tasbih ou, bref, ou il fait rien, il se concentre. Oui. Dans la prière, à plus forte raison, je fais pas ça. D'accord? Ceci est détestable. Donc, le hadith, c'est celui-là. Idha tawadda ahadukum, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, fait baytihi, chez lui, ثم أتى المسجد, puis il part à la mosquée. كان في صلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا. Donc ça veut dire quoi? Il dit que celui qui fait ses ablutions chez lui et qui part à la mosquée, il ne cesse d'être dans la prière. À partir du moment où il est sorti de chez lui, il est considéré en prière. D'avoir monté le shahid, c'est ça le wajib istidlal dans ce hadith. C'est que le prophète a dit il est en prière. S'il est en prière, et qu'il a interdit de faire ça, alors à plus forte raison lorsqu'il a dit Allahu Akbar. Hein? Il est en prière ici dans le sens où il a la récompense de celui qui est en train de faire des nawafil. Comme s'il était en train de prier une nawafil jusqu'à la prière obligatoire. Hatta yarja, jusqu'à ce qu'il revienne, fala yakul, et qu'il ne fasse pas comme ceci. Wa shabaka bayna asabi'i, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fasse pas comme ceci. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani. Al-Farqa'a, ou Al-Tafarqa'a. Al-Farqa'a, c'est le fait de claquer ses os comme ça. Je ne sais pas comment on dit en français. Claquer des doigts. Claquer des doigts. Dans la prière, c'est interdit. Avec sur la prière, pas de problème. Ça, ça rentre dans Al-Abath. Ça rentre dans les choses, choses futiles et dérisoires qu'il ne faut pas faire. Sixième chose qu'a cité le shir, وَأَنْ يَجْلِسَ فِيهَا مُقْعِيًا كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ. Il ne doit pas s'asseoir à la manière du chien. Alors, il y a trois manières de s'asseoir qui sont interdites et qui renvoient à cette parole qu'on appelle إِقْعَاءُ الْكَلْبِ, la manière de s'asseoir du chien. On l'a vu quand on étudie la prière, comment il fallait s'asseoir dans la prière, n'est-ce pas? Quand on est dans le tachahoud du milieu, ou entre les deux prosternations, on s'assoit bil-iftirash. Al-hayati l'iftirash. Donc, on s'assoit sur le pied gauche et on lève son pied droit. Quand on est à la fin, at-tawarruk. Donc, on a trois façons de le faire. Soit on s'assoit sur al-aliyatayn, c'est-à-dire sur ses fesses. On passe la jambe gauche en dessous de la jambe droite et on lève le pied droit. Soit on s'assoit sur ses fesses, on passe la jambe gauche entre la cuisse et le mollet de la jambe droite. Et on laisse ses pieds et on laisse son pied vers la droite, hein, comme le pied gauche. Troisième, on passe sa jambe droite sous sa jambe gauche, là, en laissant les deux pieds posés au sol, et on s'assoit sur ses fesses. D'accord? Voilà les trois manières légiférées. Celles qui sont interdites. La première, c'est le fait de coucher ses deux pieds et de s'asseoir sur ses talons. Vous voyez comment? Voilà, comme ça. Regardez, le fait de mettre le dessus des pieds doit être par terre, voilà, et il s'assoit sur ses talons. Dans la prière, c'est interdit, ça. D'accord? La première fois, le fait de poser le dessus des pieds par terre et de s'asseoir sur ses deux talons. Ça, c'est la première chose. La deuxième sorte, je sais pas si tu pourras le faire, il est difficile. C'est le fait de lever les deux cuisses et les deux jambes, de s'asseoir sur ses fesses d'abord, de lever ses deux jambes et de poser ses deux mains par terre. Non, tu étais presque. Non, remets-toi comme t'étais. Non, retourne-toi. Voilà. Assieds-toi correctement. Les fesses par terre. Non. Lève tes jambes. Voilà, comme ça. Comme si tu t'asseyais comme ça en tenant tes genoux. D'accord. Voilà. Comme ça. Voilà. Tu lèves tes jambes et tu... Voilà. Comme ça. Ça, c'est la manière. Hachak. C'est la manière du chien. Et quand il ne faut pas s'asseoir comme ça dans la prière. Donc on pose ses fesses par terre, on lève ses genoux et ses cuisses et on pose ses deux mains par terre. À quel moment tu veux t'asseoir comme ça dans la prière? Non, il ne faut pas s'asseoir comme ça. Tu veux pas t'asseoir. Non, mais au temps du prophète, les gens s'assiedaient comme ça. Ah. Et le prophète les rectifiait, les reprenait. T'as compris? Même si une personne, elle ne peut pas s'asseoir de la manière conventionnelle, peut-être qu'il va inventer une position, il va s'asseoir dans une position qui lui plaît, il faut qu'il sache qu'il ne peut pas s'asseoir comme ça aussi. D'accord? Et la troisième, c'est quand il lève ses deux pieds, celle-là elle est dure. Il pose ses fesses par terre, il lève ses deux pieds, en laissant ses cuisses sur le côté comme ça. Moi j'ai déjà vu quelqu'un comme ça. Ça, faut être agile. Vous avez compris? Non, tu t'assois sur tes mollets. Oui. Voilà, mets-toi comme ça. Maintenant, tes jambes, tu les mets à droite, de part et d'autre de ton corps. Non, ne les croise pas les jambes. Les jeunes là qui sont, voilà, comme ça, et tu lèves les deux pieds. Voilà, comme ça. Vous voyez le frère là-bas? Hein? Voilà. Mohil, c'est interdit, Inch'Allah. Non, même si celle-là, elle est dure à faire. Taïe. Et il y a une position qui n'est pas conventionnelle dans la prière, mais qui peut être permis, l'iddaroura. C'est ce qu'on appelle at-tarabbu'. Tarabbu', c'est quoi? C'est le fait de s'asseoir à califourchon, comme ça, à califourchon. Quand vous êtes assis actuellement. Là, une personne qui ne peut pas prier debout, et à défaut d'avoir une chaise, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit par terre. Il s'assoit de cette façon. C'est permis. Inch'Allah. D'accord? Ce qu'il faut qu'il évite, c'est les trois façons que je vous ai données. Donc il s'assoit comme ça, il croise ses jambes, et il pose ses fesses par terre, il croise ses jambes. Ce qu'on appelle califourchon, ou on appelle ça aussi? En tailleur. Voilà. En tailleur. En arabe, ça s'appelle tarabbu', ya tarabbu'. Le premier quoi? Le prophète a dit, al-Abi Hurayrata, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nahana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an thalathati. Le prophète, d'après Abi Hurayra, nous a interdit trois choses. Nahana an naqratin ka naqrati dik. Il nous a interdit de picorer à la manière du coq. Ça, c'est une allusion pour dire que lorsqu'il fait le soujoud, c'est pas il fait soujoud, il se relève comme ça. Non, pour gagner du temps. Il fait bien soujoud, il reste. Il fait, on dit au moins une fois, Subhan Rabbi al-A'la. Au moins une fois. Non. Ça, c'est un. Wa nahana an iqa'in ka iqa'il kalbi. Et la manière de s'asseoir du chien sous les trois formes que je vous ai montrées. Wa l'akhir. Et le fait de se détourner à droite à gauche à la manière du renard. Non? Donc, barakallahu fikoum. Ce hadith-là aussi, je vous le parle en tête, barakallahu fikoum. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit d'imiter les animaux. Non? Walaqad karamna bani Adam. Non? Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous l'avons honoré. Ceci le dispense d'imiter les animaux. Même pour s'amuser, on n'imite pas les animaux, barakallahu fikoum. Donc ici le prophète sallam a donné cette image à chaque fois d'animaux pour éviter ces assises ou ces manières de faire. Le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par Ahmed Shakir et rendu bon par Cheikh El Albani. Le hadith là. Et enfin, dernière chose qu'a cité l'auteur, il ne doit pas faire face à une chose qui risque de le perturber dans sa prière. Non. Et il ne doit pas faire face à une chose qui va le perturber. Par exemple, il prie devant, ici il n'y a pas. Des fois, il y a des pancartes comme ça, il y a des askars. Donc, la personne qui prie devant, il peut être amené à les lire, ce qui va le perturber dans sa prière. Hein, le détourner de sa prière. Ou alors devant une image, un cadre, ou des photos, ou un miroir. Ça, c'est pour les gens narcissiques. Hein. Ou alors il prie devant, en public. Il sait que des gens vont passer devant lui. Il doit trouver un endroit adéquat, par lequel on fait. Ça, c'est makrouh. On va pas dire que la prière est annulée. Mais on dira que c'est répréhensible, c'est makrouh. Pourquoi? Parce que ça risque de le perturber et de le détourner de ce pourquoi il s'est levé pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ma première fois. Pour ceci, il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallam bi khamisa. Le prophète a pris dans un vêtement, laha a'lam. Donc il avait des motifs. Non. A'lam aussi ça veut dire des couleurs. Un vêtement coloré. Pas unis. فَنَظَرَ إِلَىٰ أَعْلَامِهَا نَظَرَةً. Puis le prophète, il a regardé un petit moment ces dessins qu'il y avait sur ce vêtement. Et فَلَمَّا الْسَلَفْ قَالَ اِذْهَبُوا بِخَمِيصَةِ هَذِهِ إِلَىٰ أَبِي جَهْمٍ. Prenez ce vêtement et ramenez-le à Abi Jahm. وَأْتُونِي بِأَنْ بِجَالِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ. Et ramenez-moi ce vêtement qu'on appelle أَنْ بِجَالِيَّةِ. Un vêtement, justement, qui n'a pas tous ces motifs qui est plus ou moins uni, couleur unique. فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي أَنِفًا عَنْ صَلَاتِ. Car celui qui avait les motifs, il m'a détourné de ma prière auparavant. Donc le prophète n'a pas voulu reprier dedans une deuxième fois. Non. Ensuite, on a ce qu'on appelle, c'est l'avant-dernier point, يقول الإمام عبد الرحمن بن سعدي أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان متفق عليه. Donc ici ce hadith il signifie quoi? L'imam Sa'di dit ou alors il rentre dans la prière mais son cœur est occupé, ou son esprit plutôt ici, est occupé à contenir ses selles. C'est-à-dire qu'il a envie d'aller uriner, ou autre. Donc il se retient. Le fait qu'il se retienne comme ça, il n'arrive pas à se concentrer dans sa prière. Non. Ou alors, le repas est là. Le repas est présent. Prêt à être consommé. Non. Et il a faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans un dilemme ici. Est-ce qu'il va prier ou est-ce qu'il qaddimu at-ta'am al-salat ou l'axe? Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de prière bihadrat at-ta'am lorsque le repas est présent, posé. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Et aussi lorsque al-akhbathan, akhbathan huwa al-bawl wal-gha'it. C'est l'urine et les selles. Lorsque ces deux akhbathan ils veulent sortir et lui il le retient. Comment on comprend ces hadiths? Il y a deux hadiths ici que je vais vous dire, qui sont très très courts, tous deux rapportés par l'imam al-Bukhari ou muslim, et je vais vous donner la synthèse de ces deux hadiths. Le prophète a dit ça dans le premier hadith, « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءُ » Lorsque la prière a été appelée et que le repas a été posé, alors commencez par le repas. Voilà comment est le hadith dans Sahih al-Bukhari. Donc, de premier abord, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? On comprend que si le repas est là, il n'y a plus rien à faire. Non? Oui, je vais y venir justement. J'ai dit de premier abord, c'est comme ça qu'on le comprend. Deuxième hadith qui vient expliquer le premier, rapporté par les musulmans. قالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. Donc pas de prière lorsque le repas est présent ou alors lorsqu'il essaie de contenir ce qu'il a en lui. Qu'est-ce que l'Asha? L'Asha c'est le repas du soir, n'est-ce pas? L'Asha c'est le repas du soir. Or ici comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, ce hadith-là il n'est pas restrictif au repas du soir. C'est n'importe quel repas au final, même le repas du matin. S'il est posé et que la prière est là, alors on est concerné par ce hadith. Non? Donc c'est pas restrictif au soir, le repas du Maghrib. Al-Shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si la personne, elle est affamée, il a tellement faim que s'il prie sans manger, il sera pas concentré. Yuqaddimu at-ta'am ala as-salah. Il mange d'abord avant de prier. Si, pour pas qu'il rate le jama'a, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il entend l'adhan par exemple, ou il sait que l'iqama ça va être bientôt, qu'est-ce qu'il fait? Il mange juste de quoi combler son appétit. Non? Rapidement, ensuite qu'il va prier, il termine après la prière. Non? Ça c'est pour celui qui vraiment il sait que dans la prière il sera pas concentré, il va penser au ta'am. Surtout que Shaitan, il y a Abu Dawran. Shaitan, attention, je vais raconter une histoire. Ben, Hanif, hein. Un homme est venu me voir, il lui a dit, il y a Imam, j'ai caché de l'argent quelque part, je le retrouve plus. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Il a dit, tu pries deux, tu fais les ablutions après les chats. Tu pries deux rak'at correctement. Non. Inch'Allah, tawakkal à Allah. L'homme il s'est exécuté, il y a de l'argent en jeu. Après l'Aïcha, Asbar al-Wudu, il a fait ses ablutions correctement, il a fait deux rak'at. Dans la prière, il s'est rappelé. Dans la prière, il s'est rappelé où il avait cassé son argent. Hein? On ne sait pas. Soit il l'a fait vite, soit il est parti sans finir. Le lendemain matin, Jaa ila l'imam mutahallilan. Il est venu avec un visage rayonnant devant l'imam. Il a dit, il y a imam, j'ai trouvé. Ce que vous m'avez dit, c'était vrai. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, en fait, j'ai fait comme vous m'aviez dit, et j'ai trouvé mon argent, etc. Il a dit, je savais que tu allais le trouver. Il a dit car tu t'en es rappelé dans la prière, car Shaitan te l'a fait rappeler dans la prière afin que tu détournes ton cœur de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui a dit après cette phrase, il lui a dit, est-ce que tu as passé le reste de ta nuit en prosternation et en prière pour la reconnaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, en signe de reconnaissance? Non. Donc, vous voyez bien que Shaitan, il peut t'amener un bien, une jouissance, mais pour que tu délaisses quelque chose qui est plus important. Non. Donc, il faut faire attention à ceci. Voilà pourquoi certains savants, comme Shafi'i, ils disent que la personne est kana, jou'an. S'il est vraiment affamé, il n'a pas mangé pendant 2 jours, ou pendant une journée, il sait que dans sa prière, il va penser à ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute de haljata. Il comble son besoin, et ensuite il essaie de rattraper le jama'a, inch'Allah. Non, d'accord? Et c'est comme ça qu'on comprend le hadith. D'ailleurs, Abdullah ibn Amr, il entendait l'iqama, il continuait à manger. Certes, il n'était pas loin de la mosquée. Mais il entendait l'iqama, il était en train encore de manger. Non. Aussi, l'autre hadith. Je reviens d'abord sur ce hadith-là. Par contre, celui qui n'a aucune, il n'a pas une fin conséquente, ou alors il sait qu'il peut attendre après la prière, celui-là, la yabda'u bit-ta'am, yabda'u bis-sala awalan. Il commence d'abord par la prière, ensuite il mangera. Là, mais quoi? Le deuxième hadith, il nous parle justement celui qui contient ses selles. Non. Pour quelle raison? Les raisons sont multiples. Par exemple, il ne veut pas rater le jama'a. Il arrive dans la dernière rak'at, il ne veut pas rater la dernière rak'at avec les mains. Donc, il prie comme ça. Il a ses ablutions, mais il a envie d'aller aux toilettes. Non. Ou alors, il y a trop de monde dans les toilettes, c'est une galère. Ça peut arriver aussi. Ou c'est sale, on n'a pas envie d'aller là-bas. Ça peut arriver aussi. Ou alors, tout simplement, pour aller faire ses ablutions, il faut aller à 2 km. Donc, il fait, non, je vais prier, Inch'Allah. Ma prière reste acceptée à la kulihal. Ta prière reste acceptée, barakallahu fikoum, attention. C'est vrai que c'est makrouh. Mais si la personne dans cet état-là, elle en vient à délaisser des obligations ou des piliers, parce que quand quelqu'un est pressé, qu'est-ce qu'il va faire? Faire sa prière en vitesse. Il va prier en vitesse, donc il va être amené à délaisser des piliers ou des obligations. Donc, dans ce cas-là, pour lui, sa prière est annulée. Là, si le fait de retenir ses selles va le contraindre à délaisser ces choses-là qui sont primordiales, alors sa prière est annulée. Il ne prie pas comme ça. Là, ma première fois. Là. Si c'est une envie, il n'est pas pressant. Si c'est pas pressant, et s'il sait qu'il peut, là, il fait le khushu'. Il sait qu'il peut toujours avoir ce khushu', cette concentration à la prière. Alors, sa prière, oui, elle reste valide, mais c'est makrouh. C'est ça le makrouh. Hein? Si il fait ses ablutions, s'il va aux toilettes, il fait ses ablutions, alors dans ce cas-là, il a fait ce qu'il y a de mieux, et il a appliqué la sunna. Numéro 3. Mais sa prière n'est pas invalide. L'imam al-San'ani, pour finir l'explication de ce hadith, l'imam al-San'ani a dit, sache que le fait de faire devancer le ta'am sur la prière, ceci ne vient pas léser le droit d'Allah au détriment, ou ceci ne vient pas faire devancer le droit du serviteur au détriment du droit d'Allah. Mais c'est plutôt, comme il a dit, c'est plutôt pour parfaire et bien compléter le droit d'Allah. Parce que ici, lorsque le prophète a dit, commencez d'abord par le ta'am avant la prière, c'est pour quelle raison? C'est pour pas que la personne dans la prière, elle soit mouswasa, mouchawasha. Pour ça, pour pas qu'elle soit perturbée. Donc au final, c'est pourquoi? C'est pour qu'il fasse sa prière dans les meilleures conditions, en respectant pleinement le droit d'Allah. Dans le roi? Ça, c'est la parole de l'imam As-San'ani, rahmallahu tabaraka wa ta'ala. Et il reste le dernier point, Inch'Allah, on va finir par ça. وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ يَفْتَرِشَ رَجُلُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de détendre ses bras par terre dans le soujoud à la manière des fauves lorsqu'ils s'allongent, ou des chiens même aussi. Là, comment doivent être les coudes lorsque je suis en soujoud? Levé. Quelle est la preuve de ceci? La blancheur de ses aisselles et hatta tabughra bahmun, comme le rapporte dans le hadith, hatta yabughra bahmun la maghra. Une petite brebis pouvait passer facilement en dessous son coude ou en dessous son bras. Oui, oui, effectivement. Oui, on pourrait dire que Eliad en arabe, c'est le bras à la base. Quand on dit Eliad en arabe, ça faut que vous le sachiez. Eliad en arabe, aslan, c'est de là à là. On dit que Eliad, c'est ça, bil qaïd, quand on a une restriction. Parce qu'à la base, ça s'appelle kaf. Ça, c'est le kaf. Ça, c'est un dira. Ça, c'est l'aroud. Et tout ça, c'est l'yad. Voilà pourquoi Allah, quand il dit وَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, et lavez vos mains jusqu'au coude. En fait, c'est lavez-vous les bras, mais pas jusqu'en haut, jusqu'au coude. Vous avez compris? C'est ça l'yad en arabe. Donc, on aurait pu dire ici, si on n'avait pas ce hadith, que la personne, lorsqu'elle se prosterne sur cette partie, al-yadan, quelqu'un aurait pu dire, oui, l'yadan, c'est les deux bras. Donc, il pose ses deux bras. N'est-ce pas? Or, le hadith où le prophète nous montre comment il levait les bras, justement, nous donne cette restriction. Nous montre qu'en fait, al-yadan ici, ce sont al-kafan, les deux mains. D'accord, je crois? Ce hadith, le prophète nous a interdit d'allonger et d'étendre ses bras par terre dans le soujoud, selon le hadith de Aïcha. في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. حديث rapporté par l'imam muslim 498. Que nous dit ce hadith? Le prophète صلى الله عليه وسلم, Aïcha dit que le prophète interdit عقبة الشيطان. عقبة الشيطان ici, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la manière de s'asseoir comme le chien. C'est ça, Aqbatu Shaitan. Ou al-Iqa'a. Donc le prophète a interdit ceci. Comme il a interdit quoi? Le fait d'étendre ses bras par terre à la manière des fauves. Non? Donc tout ceci. Min makruhat is-salah. Sallallahu tabaraka wa ta'ala. An yu'allimana. Wa an yazidana ilman nafi'a. Wa rizqan tayyiba. Wa amalan mutakabbala. وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.